Chapitre 2e. L'aspect grandiose, simple, sévère et presque monastique de Fairview dispense de longs commentaires sur les propriétaires de ce château. Il est évident que ce ne sont pas des parvenus et qu'ils tiennent au sol par de profondes racines. L'architecture de cet imposant édifice, pur style Tudor, est d'une unité absolue. Des cheminées massives se profilent sur le ciel. Devant la maison, une grande terrasse. Au-delà, un jardin orné d'une belle fontaine, laquelle alimente un bassin, où des poissons rouges, gros comme des carpes, bondissent et rebondissent bruyamment. Au dire des conservateurs du pays, il en est qui date du règne de la reine Élisabeth. Les radicaux, eux, affirment que non, et ricanent également, en hochant la tête d'un air de doute, lorsqu'on raconte que dans l'une des chambres est un grand lit en tapisserie où cette fameuse reine a couché. L'intérieur comme l'extérieur du château est empreint de la majesté que le temps donne à toute chose. On s'est bien gardé d'y remanier, d'y rien changer, d'y rien moderniser comme on dit maintenant. Nous n'avons pas à faire l'historique de la famille. Qu'il suffise de savoir qu'elle est aussi bien dans le passé que dans le présent, l'une des plus respectables et des plus respectées du comté. Le parc, avec ses arbres séculaires et ses chênes célèbres à 50 lieues à la ronde, témoigne que les propriétaires de Fairview n'ont jamais dû faire flèche de tout bois. La ferme contiguë au château est un modèle d'organisation et de culture. Le bétail et les chevaux sont de races magnifiques. Ni prodigues ni rêveurs n'ont terni le blason de la famille. Depuis le jour où Jasper Courtney, légiste et ami intime de Francis Bacon, achetant l'ancienne abbaye de Fairview, avec les grands biens y attenant. Les Courtney descendent d'une ancienne famille avonienne. Leur genre de vie a généralement été celui des riches propriétaires campagnards, laissant à d'autres la carrière aventureuse du soldat et du marin. C'est plutôt le parlement qu'ils ont visé et où ils ont brillé. L'orgueil du nom a toujours été, paraît-il, une des caractéristiques de la race. Actuellement, elle n'a plus, en tout et pour tout, que deux représentants, Sir Everard Courtney et son unique enfant, Dulcibella, appelée Dulcie par abréviation. Dans cet antique manoir, d'un aspect si froidement classique, les appartements privés de Miss Courtney font exception à la règle. Son boudoir, surtout, a un charme intime tout particulier. Là, partout des fleurs, des bibelots, de petites tables surchargées de rien charmant, d'ébauches de peinture posées sur d'élégants chevalets richement drapés, un piano, sur le pupitre duquel est une partition, dernier présent de Sir Everard à sa fille. Deux portraits appendus au mur, l'un, celui de la mère de Dulcie, l'autre, celui de son père à l'âge de 29 ans et encore très ressemblant, bien que Sir Everard frise la cinquantaine. Au moment où commence cette histoire, le châtelain de Fairview est plongé dans un grand fauteuil. En face de lui est un jeune homme. Près du foyer, assis sur un tabouret, Dulcie reçoit les reflets de l'âtre incandescent qui donne à sa chevelure des tons d'or et font briller ses yeux bleus d'un éclat tout particulier. C'est aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance. Elle a 20 ans. On lui en donnerait seulement 16. Sa vie, exempte de soucis, n'a jeté aucun nuage sur son visage lumineux, et le temps, tout en lui apportant de nouvelles grâces, ne lui a rien enlevé de celle de l'enfance. Une circonstance mémorable empêchait que ce jour fût marqué au château par aucune réjouissance. On le comprendra quand on saura que la mort de la femme de Sir Everard avait suivi d'une heure seulement la naissance de son enfant. Fille du fils cadet d'un duc et nièce d'un évêque, Lady Courtney n'avait pour toute fortune que sa resplendissante beauté. Sir Everard, en l'épousant, l'avait cependant emporté sur bien d'autres rivaux. Il aimait éperdument sa femme. Après une année de mariage, elle lui fut ravie. Il resta seul avec sa douleur. Quel fond pouvait-il faire sur l'existence d'un seul et unique rejeton? « Il se remariera, » disaient les parents ayant des filles à marier. « Un homme de son âge ne peut se condamner à la viduité perpétuelle. Il serait fâcheux qu'il en fût autrement. » Malgré ses prévisions, Sir Everard ne se consola pas. Il quitta l'Angleterre peu de temps après la mort de sa femme et chercha pendant 7 ans, dans des voyages lointains, diversion à ses tristes pensées. Pendant ce temps, Dulcie, confiée aux soins d'une tante, croissait en sagesse et en grâce. Un jour, Sir Everard revint à l'improviste et trouva dans sa fille l'image de celle qu'il avait tant aimée. Cette ressemblance rouvrit une plaie mal cicatrisée. Pourtant l'enfant était si belle et si bonne qu'il devint bientôt impossible à son père de la quitter. La plus douce occupation de Sœur Évrard était de prévenir et de combler les moindres désirs de Dulcie, qui, de son côté, rendait au centuple à son père tendresse et baisers. Leurs pensées et leurs goûts semblaient toujours en harmonie. L'un et l'autre aimaient la retraite, les arts, les livres, la musique. La musique surtout. Mais Dulcie ne tirait point vanité de ses talents et n'éprouvait nul désir de les faire valoir. Le jeune homme que nous trouvons aujourd'hui entière entre Sœur Évrard et sa fille est maintenant le visiteur assidu de Fairview. Morton Blake, de Tangle Manor, avait vu pour la première fois Dulcie à une exposition d'horticulture, 2 ans auparavant. Puis, grâce au voisinage, ils s'étaient rencontrés souvent. Au bout de très peu de temps, le cœur de Morton était pris, et il offrait à Dulcie son amour et son nom. Elle lui dit que sa réponse dépendait de son père, mais tout en lui donnant confiance. Malheureusement, ce père si indulgent d'ordinaire se montra pour la première fois récalcitrant aux vœux de sa fille, déclarant ne vouloir entendre parler de projet de mariage entre elle et Morton Blake. Il ne lui donna aucune raison à l'appui de son refus, se bornant à dire et à répéter « Ce n'est pas l'homme que je choisirai pour vous. Je désire que vous ne l'épousiez pas. » C'en était assez pour déterminer Dulcie à sacrifier ses vœux les plus chers à ceux de son père et à repousser la demande de Morton. « Si telle est votre volonté, je m'y soumets, quoi qu'il m'en coûte, » dit-elle un jour à son père. Puis plus jamais elle ne prononça le nom de Morton. Mais Sœur Évrard ne tarda pas à prendre peine en voyant sa fille maigrir, pâlir, perdre l'appétit et la gaieté tout à la fois. Un soir qu'ils étaient assis l'un près de l'autre, il attira Dulcie sur ses genoux et lui dit en la regardant fixement « Cher enfant, qu'avez-vous ? Le bonheur de votre vie dépend-il de votre union avec Morton Blake ?» Dulcie sentit alors le rouge lui monter au visage et, tremblant d'émotion, elle répondit à son père « Je n'ose dire le contraire. Hélas, j'ai beau chercher à l'oublier, je ne le puis. » « S'il en est ainsi, cher enfant, vous l'épouserez. »